إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue encore la lecture dans notre livre الثبات على السنة. Et le Cheikh maintenant il va nous donner des différents exemples de la vie des Sahaba et de la vie des salaf et de la vie des imams de l'islam, comment ils ont fait preuve de fermeté dans leur religion à différents moments lorsqu'ils avaient des épreuves dans leur vie, dans leur religion. Et donc on va voir à travers ces exemples des façons comment nous-mêmes dans nos vies de chaque jour yani, et dans les choses qu'on a à faire face, et surtout en particulier dans le contexte dans lequel on vit, yani, comment réagir et comment se comporter en face à différentes formes de fitan qu'on peut avoir dans nos vies. Donc le Cheikh dit « Wa hunaka amthila lis-thabati 'ala al-haqq wa arwa'u al-amthila thabatu al-anbiya'i 'alayhim as-salatu was-salam wa ashabuhum alladhina ihtadaw bihudahum wa khayruhum ashabu Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam فكل من صحب الأنبياء فله فضل على من بعدهم من أمة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة أفضل من كل من جاء بعدهم فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفاقوا في الفضل من سبقهم قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فهؤلاء ضربوا أروع الأمثلة للثبات. الشيخ commence à dire que les meilleurs exemples de fermeté dans la religion sont les exemples des prophètes alayhi salatu wa salam, de même que les fidèles et les gens qui ont suivi les messagers à leur époque. Donc ils se sont basés sur la guidance de leurs prophètes pour être bien guidés. Donc les meilleurs d'entre eux, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes les personnes qui ont été des compagnons de leurs prophètes à leur époque sont meilleurs que tous ceux qui sont venus par la suite après ce prophète, après leur prophète respectif. Et donc les meilleurs parmi cette umma sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh il dit que leur mérite et le fait qu'ils sont meilleurs que chacun d'entre nous, c'est à un point tel que même si l'un d'entre nous voulait donner en sadaqa la quantité de la montagne de Uhud en or, eh bien, ça n'aurait même pas la valeur de la sadaqa d'un des sahaba lorsqu'il donne une poignée de main de blé ou de quelque chose à son époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même la moitié d'une poignée de main. Donc la moitié de la montagne d'or que tu vas donner toi en sadaqa, ça n'a même pas la valeur de la poignée d'une main de quantité de blé que le sahabi pouvait donner à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve que le mérite des sahaba, il est au-dessus du mérite de quiconque dans cette umma qui peut venir par la suite. Et ils ont dépassé dans le mérite qu'ils ont, tous ceux qui sont venus par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 110 dans Surat Al-Imran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les meilleurs hommes après les prophètes, alayhi salatu wassalam, et en particulier as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wa al-ansar, comme le cheikh dit, fahum afdal an-nas ba'da al-anbiya alayhi salatu wassalam, en particulier wala siyana as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wa al-ansar, fa ha'ula'i, donc ceux-là ils nous ont donné les meilleurs exemples, as-sabiqun al-awwalun, les premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar. Ils nous ont donné les plus belles exemples de sabbat, de fermeté dans la religion. Barakallahu fik. Donc, le cheikh il dit, fi Mecca, kanu yu'azzabun, wa yusharradun, wa yu'zawna, wa yuqtalu ba'duhum, kama hasala li Abi Ammar, Yasir, wa ummihi, Sumayya, kutila sabara ala ta'zib, وثبت حتى قتل رضي الله عنهما وثبت بلال رضي الله عنه كان يذهب به إلى بطحاء مكة في شدة الحر وتلقى الصخرات الملتهبة على صدره وهم يضربونه ويؤذونه ويسلطون عليه الصبيان يسخرون به وهو ثابت يقول أحد الله وحده لا شريك له لا اللات ولا العزة. Donc le cheikh il commence à donner des exemples des sahaba, comment ils ont été fermes dans leur religion à l'époque où ils étaient éprouvés par toutes sortes d'épreuves et ils étaient torturés et ils étaient expulsés et on leur faisait toutes sortes d'offenses et toutes sortes de nuisances. Et certains d'entre eux même ont été tués par les mouchriquins à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui est arrivé à Abu Ammar, le père de Ammar qui s'appelait Yasir, et sa mère Soumeya. Les deux ont été tués, hein, ils ont été endurants, ils ont patienté et ils ont enduré la torture et ils ont été fermes et ils sont restés fermes jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils soient assassiné yani, par les mouchriquins. Et de même que Bilal ibn Abi Rabah radiallahu anhu, les mouchriquins l'amenaient jusqu'à Mecca dans un endroit où le soleil frappait fort et il lui mettait des pierres brûlantes sur le corps yani, sur sa poitrine, et il l'écrasait avec ça et puis il le frappait et il l'insultait et il mettait sur lui des pierres. Et les enfants se moquaient de lui à ce moment-là également, mais il restait ferme et il continuait toujours à répéter Ahadun Ahad, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est unique, hein, et il répétait ça constamment. Il disait Allah, il n'a pas d'associé, il est unique, il n'a pas de semaine. Et il refusait de croire en Allah et en Al-Uzza, les idoles des mouchriquins de l'époque. كم لاقوا من الأذى فرسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى من الأذى الشديد في مكة آذته قريش حتى أمر طغاتهم بإلقاء سل الجذور على رقبته وهو ساجدا وأبو بكر الصديق أذوه حتى خرج مهاجرا رضي الله عنه فرجع في ذمة ابن الدغن وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن فيتقصف على النساء والصبيان فخافت قريش على نسائهم وأبنائهم أن يدخلوا في دين الله الحق فيمنعونه من الصلاة ويطلبون من هذا الرجل الذي أدخله في ذمته أن يسكته أو يخرجه من ذمته فيقول لأبي بكر إما أن ترجع إلي ذمتي وأهلي وشأنك وإما أن تقف وتترك هذا الذي أنت عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا أرد ذمتك وأبقى في ذمة الله Donc le cheikh il dit combien de difficultés et combien d'offenses ils ont dû endurer. Hein? Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté plein de difficultés à l'époque, même à Mecca, de la part de Quraysh. Hein? Et de même que Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, ils lui ont donné plein de difficultés également, et plein de problèmes, et plein d'épreuves. Et il est parti, il a fait la hijra. Et puis, il a rencontré un des hommes de l'époque, qui s'appelait Ibn Daranna. Et lui, c'était un homme puissant et respecté par les gens de Quraysh à l'époque. Alors il a dit à Abu Bakr al-Siddiq, un homme comme toi, qui est respecté, il ne doit pas aller et quitter son pays. Donc il dit, moi je te donne ma protection et tu peux rester à Mecca. Donc il est resté à Mecca sous la protection de cet homme. Et c'était un mushrik. Hein? Et les gens de Quraysh, quand ils ont vu que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il récitait le Coran devant les gens et que les enfants et les femmes étaient affectés par la lecture du Coran et qu'ils se rassemblaient autour de lui pour l'écouter et pour entendre le Coran, les gens de Quraysh ont eu peur que les gens commencent à accepter l'islam à cause du fait qu'ils récitaient le Coran de cette manière. Alors, ils ont dit à l'homme qui avait donné la protection à Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, soit tu cesses, soit tu le cesses, tu lui redonnes, tu lui enlèves ta protection, c'est-à-dire tu reprends la protection que tu lui as donnée, ou bien il cesse de continuer à réciter le Coran et à faire la salat de cette manière. Et donc il est allé voir Abu Bakr, l'homme qui lui avait donné la protection est allé voir Abu Bakr et lui a dit, soit que tu me remets ma protection, ou mon entente, ou ma protection que je t'ai donnée, ou bien tu cesses de lire le Coran et de faire ce que tu fais, yani. Alors Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il lui a répondu en disant, je te redonne ta zimma, je te redonne ta protection et ton entente, et je garde la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça me suffit. Hein? Et donc, il est resté sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ensuite, wa sabaru dahran ala al-adha al-shadid, fama ghayyaru, wala baddalu, وما كان أحدهم منهم يرتد سخطة لدينه كما ذكر ذلك أبو سفيان رضي الله عنه في حديثه المعروف مع هرقل لما سأله من هم أتباع محمد هل هم ضعفاء الناس أم أشرافهم قال بل هم ضعفاؤهم فقال هرقل هم أتباع الأنبياء وهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه قال لا الحديث فالصحابة رضي الله عنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة صابرين محتسبين فصبروا ورابطوا وجاهدوا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد أكثر العرب فثبتوا وصبروا وواجهوا الردة حتى قضوا عليها وكان على رأس الثابتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقد كان عارضه بعض الصحابة رضوان الله عليهم في قتال المرتدين فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فاقتنع الصحابة رضي الله عنهم برأيه السديد فقاتلوا وثبتوا وقاتلوا وقاتلوا حتى أعاد الله هؤلاء الذين ارتدوا إلى حظيرة الإسلام. الشيخ الذي ensuite ils ont été endurants. Ils ont patienté, ils ont enduré les difficultés et les offenses et les nuisances de la part des mouchriquins. Et ils n'ont pas changé. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas changé du tout dans leur façon de croire et dans leur fermeté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y en a aucun d'entre eux qui ont apostasié ou qui ont quitté la religion parce qu'ils étaient en colère contre sa religion ou qu'ils n'aimaient pas sa religion. Comme Abu Bakr, comme Abu Sufyan, رضي الله عنه il est allé voir Héraclès à l'époque où il était encore un mushrik. Il est allé voir Héraclès et lui a parlé, et Héraclès lui a posé des questions au sujet de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Héraclès a demandé à Abu Sufyan, parmi les gens qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce sont les faibles parmi les hommes ou bien les nobles et les respectés, les gens haut placés dans la société? Et Abu Sufyan a répondu, ce sont les faibles, ce sont les pauvres. Alors Héraclès a répondu, il a dit, ce sont les gens qui suivent les prophètes, ce sont eux, Atba' al-Anbiya, ce sont eux qui suivent les prophètes. Ensuite Héraclès a posé la question, et est-ce que parmi eux il y en a qui reviennent de leur religion, c'est-à-dire qu'ils quittent l'islam parce qu'ils ont une colère contre la religion ou une haine contre la religion? Et Abu Sufyan a répondu non. Hein. Et à l'époque, il n'était pas musulman, hein, quand il a dit cette parole-là. Il n'était pas encore converti à l'islam, radiyallahu anhu. Donc, le cheikh dit pas sahaba, radiyallahu anhu, les sahaba ont été satisfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme étant leur Rabb. Et ils ont été satisfaits de l'islam comme étant leur religion. Et ils ont été satisfaits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant leur messager et leur prophète. Et ils ont fait la hijra vers Al-Habasha, quand c'était devenu trop difficile pour eux à la Mecque. Ils ont quitté la Mecque et ils sont partis en Éthiopie, Al-Habasha. Et ils ont fait la hijra par la suite à Al-Madina. Et ils ont fait ça avec endurance, avec sabr, et en même temps avec l'espoir de recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de faire cette ibada et de faire cette hijra. Parce que la hijra, c'est une ibada, c'est une adoration. Hein. Et ils ont été patients, et ils ont enduré, et ils ont lutté jusqu'à la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup parmi les bédouins ont abandonné l'islam, ils ont apostasié. Alors les sahabas sont restés fermes, ils ont enduré, ils ont affronté cette apostasie de leur part, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à l'arrêter, à la stopper. Et parmi les premiers, ceux qui sont restés à la tête de cette opposition face à l'apostasie, il y avait Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu est resté ferme à ce moment-là, alors que les bédouins commençaient à abandonner l'islam, parce qu'ils disaient, bon, maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, on n'est plus obligé maintenant de continuer à pratiquer l'islam. Alors Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il est resté ferme et il a dit, même s'il refuse de me donner une inaqan, c'est-à-dire une corde qu'ils avaient donnée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils la donnent, jusqu'à ce qu'ils continuent à la donner jusqu'à aujourd'hui. Donc il y avait certains sahaba qui ont entendu Abu Bakr radiallahu anhu qui disait cette parole, et ils ont dit, oh Abu Bakr, comment tu peux combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hein, ce sont des musulmans, tu ne peux pas les combattre. Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il lui a répondu, hein, lui clarifiant, il a clarifié à Omar ibn Khattab cette situation, et il leur a dit que la zakat et la salat et la zakat font partie des droits de l'islam, et que s'ils l'abandonnent, ils doivent également être combattus jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils la paient, ou bien qu'ils établissent la salade, ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit, donc ça c'est des exemples de la fermeté de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Et quand les sahabas ont vu la fermeté de Abu Bakr, eh bien, ils ont été satisfaits et convaincus de sa position qui était droite, et ils ont combattu avec lui, et ils ont été fermes, et ils ont combattu jusqu'à ce que ces gens-là reviennent à l'islam par la suite. ثُمَّنْ دَفَعُوا جَمِيعًا إِلَى الْفُتُوحَاتِ وَهُمْ ثَابِتُونَ يَتَسَابَقُونَ إِلَى مَرَضَاتِ اللَّهِ وَالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْذُلُونَ مَهْجَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ لِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فَهُمْ أَمْثِلَةً رَائِعَةً للثبات على الإسلام إلى الممات رضي الله عنهم. Le cheikh dit, et par la suite ils sont partis, ils se sont lancés dans les grandes conquêtes, hein, et les futuhat qu'on appelle, hein, ils ont conquis les pays pour établir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'élever partout sur la terre, et ils sont restés fermes et ils se sont concurrencés les uns les autres, ils ont fait la course les uns contre les autres pour savoir lequel va être le premier vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et vers le martyr dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dépensé de leurs biens et de leurs personnes pour défendre et élever la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce sont les sahaba, une des plus belles exemples de fermeté sur l'islam jusqu'à la mort. وصبر غيره من الأئمة الذين واجهوا شيئا من الأذى فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله واجه سلوف الأذى في دولة المأمون والمعتصم والواثق إذا تغلب الجهمية والمعتزل على الدولة وأمسكوا بزمام الأمور وقادوا الخلفاء إلى أهوائهم وضلالاتهم وكفرياتهم فإن القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله لأنه طعن في الله وفي كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فكفرهم السلف وأرادوا أهل السنة على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق فأبوا فعذبوهم وشردوهم وقتلوا منهم ما قتلوا وضعف القليل منهم والبقية صمدوا على رأسهم الإمام أحمد رضي الله عنه وقد ضرب ضربا يهد الجبال وقد ضرب ضربا يهد الجبال ولكنه ما تزعزع ولا انتكس ولا تأثر بل ظل صامدا كالجبل الأشم وتداوله ثلاثة خلفاء حتى أتى الله بالفرج وأعلى كلمة الحق ونكس أعلام أهل الباطل فذهبوا هباء منثورا وأعلى الله السنة وأعز أهلها وأكرمهم في زمن الخليفة المتوكل رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام ونصرة السنة خير الجزاء. Donc le cheikh il dit ensuite que par la suite il y a eu les imams de l'islam qui ont fait preuve de fermeté et qui ont été endurants devant toutes les offenses et toutes les difficultés qui sont arrivées par la suite de la part des gens de Bid'a. Et on a l'exemple d'Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a fait face à ces difficultés-là de la part à l'époque de Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim et Al-Watiq, qui étaient trois parmi les khulafa qui ont accepté les idées et la croyance des Jahmiyyah et des sectes comme les Mu'tazila et les Jahmiyyah. À l'époque, les Mu'tazila et les Jahmiyyah ont réussi à influencer ces khulafa et à les amener à croire à leurs innovations et à leurs bid'ah et à leurs passions et à leurs kufriyat, à toutes leurs formes de mécréance également, parce que le cheikh il dit que l'idée qu'ils appelaient les musulmans à accepter, c'était que le Coran est une création, que ce n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les imams de l'islam ont déclaré kuffar toutes les personnes qui disent que le Coran est créé ou que c'est une création. Alors c'est une forme de kuffar en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une insulte, hein, c'est une attaque contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son livre et contre son messager que de dire que le Coran est créé. Alors les salafs, hein, ils ont déclaré, toute personne qui disait cette chose-là, que le Coran est une création ou que le Coran est créé, ils les ont tous déclarés des kuffars pour avoir dit ces choses-là. Alors, ils ont voulu de la part des gens de la Sunna qu'ils affirment et qu'ils acceptent leurs paroles et qu'ils disent que le Coran est une création. Et ils ont refusé de le dire. Alors ils ont été torturés, et ils ont été expulsés et beaucoup d'entre eux ont été tués. Hein, jusqu'à même en tuer plusieurs d'entre eux, hein, et il y en a parmi eux un très petit nombre qui ont été faibles, tandis que la grande majorité des autres sont restés fermes, hein, et parmi ceux-là, à la tête de ceux-là, il y a eu l'imam Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu. Les cheikhs ils ont écrit, peut-être c'est l'éditeur qui dit radiallahu anhu, mais on peut dire ça pour les grands imams, radiallahu anhu, comme des ulama ont expliqué. On peut dire radiallahu anhu comme étant un dua pour que Allah soit satisfait d'eux. Mais en général, quand on parle des ulama, on dit rahimahumullah ou rahimahullah. Et on ne dit pas radiallahu anhu par rapport à des ulama d'habitude. C'est plutôt, on dit comme j'ai dit, rahimahullah. Mais là, le cheikh il dit ensuite donc que l'imam Ahmed a été frappé. Hein? Et il dit qu'il a été frappé à un tel point que, et là le cheikh il donne un exemple, c'est un peu exagéré, mais c'est juste pour nous faire comprendre à quel point il a été frappé. Il a dit qu'il a été frappé d'une telle façon que si on frappait les montagnes, eh bien elles auraient tremblé, hein, de la façon à quel point il a été frappé. Mais il n'a pas été affecté et il n'a pas été secoué. Hein. Il est resté ferme dans sa position comme la montagne. Hein. Et il est resté en vie durant la période de ses trois khulafas. Ces trois khulafas qui étaient parmi les Mu'tazila et parmi les Jahmiya, eh ben, et qui appelaient à dire que le Coran est créé, ils sont passés. C'est-à-dire le premier, Al-Mu'tasim, il est mort. Après, Al-Ma'moun, il est mort. Après, Al-Mu'tasim, il est venu, et lui aussi, il est mort. Et après, le troisième, Al-Wasiq, et il est mort lui aussi. Alors, l'imam Ahmed est passé sur trois khulafas qui le torturaient et qui le battaient et qui lui donnait toutes sortes de difficultés, et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire par la suite aux gens de la sunna, et il a élevé la parole de la vérité, et il a fait tomber la parole des gens du mensonge, et ils sont devenus comme de la poussière éparpillée par la suite, on n'en a plus entendu parler. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé la sunna, et a donné la puissance aux gens de la sunna, et il les a anoblis. À l'époque du khalifa qui est venu par la suite, qui était Al-Mutawakkil, rahimahullah, et jazahullahu khayran. Le cheikh il dit qu'Allah le remercie pour l'islam et pour avoir donné la victoire à la sunna de la meilleure récompense. Wa ibn Taymiyyah, rahimahullah, kadhalika wajaha sunufan min al-adha, sujina marrat, wa mata fi sijin, wa kana yujahidu li'i'la kalimatillah, wa wajaha al-firq kullaha. فرق الفتن والضلال من النصارى من اليهود والنصارى والملاحدة والزنادقة والصوفية والخرافيين والروافض وخاض كل ميدان لإعلاء كلمة الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصره الله على ضلالاتهم وأصولهم الباطلة كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et par la suite, il y a eu l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a lui aussi fait face à toutes sortes de difficultés à son époque. Il a été enfermé, emprisonné plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et il est mort en prison, rahimahullah. Et pourquoi? Parce que de la part des gens de Bid'a, qui lui donnaient toujours des problèmes, et qui faisaient toujours des plaintes contre lui, hein, à cause du fait qu'il défendait la aqida des salafs. Et qu'il défendait la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il clarifiait la aqida. Alors ça dérangeait les gens de Bid'a. Et à cause de ça, on lui donnait toujours des obstacles et des difficultés. Mais il est resté ferme, et il a affronté toutes les catégories et les formes d'innovation et de sectes et de groupes et de déviations qui sont apparues dans l'islam. Il n'en a laissé aucune sans qu'il les a analysées et critiquées et réfutées. Du début jusqu'à la fin. Hein? Et même les non-musulmans parmi les gens qui suivent des religions d'écartement, il les a réfutés également. Hein? Parmi les juifs, et les chrétiens, et les athées, et les zanadiqas, les hérétiques, les soufis, les khurafiyyin, les gens qui croient à toutes sortes de mensonges et de superstitions, les rawafid, les shi'a, il les a tous réfutés sans exception. Il n'y a pas une secte de l'islam excepté qu'il les a critiqués et réfutés. À partir de la base de leurs innovations. Et il est rentré dans la bataille, et il est rentré jusqu'au bout de cette bataille. Pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour donner la victoire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son support et son aide contre leurs égarements, et contre leurs faux fondements, ou leurs fondements qui sont faux, hein, et qui sont contraires à la vérité. Et le cheikh a mentionné, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le Coran, dans le verset 81, dans surat Al-Isra, « قُلْ جَاءَ الْحَقِّ » dit « La vérité est venue et le faux s'en est allé. » Certes, le faux c'est ce qui disparaît et c'est ce qui part. La vérité, elle reste tout le temps. Hein? Et donc, le cheikh dit « وَقَدْ أَذَوْهُ رغم جهاده العلمي وجهاده في السيف يكيدون له شتى المكائد فإذا قابلوه خدعوا وذلوا الحكام والمحكومين وإذا خرج تآمروا عليه وسجن سنين فصبر وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى وهو في السجن والأمثلة كثيرة في الإسلام للثابتين السابقين حتى قبلنا قبل هذه الأيام كان هناك من تحفر له الأرض تحفر له الأرض ويشق النصفين ما يصده ذلك عن دينه Le Cheikh il dit, et malgré tous les efforts qu'il a fait dans la science, et dans son djihad, par la science et dans son djihad par l'épée, parce qu'il a même combattu à l'époque dans le djihad contre les ennemis de l'islam, et malgré toutes les ruses et les complots qui ont été faits contre lui, eh bien, ils se sont mis ensemble, ils se sont, ils ont fait des plans pour essayer de le faire arrêter et pour le faire enfermer à chaque fois, pour lui donner des problèmes. Et il a été endurant, il est resté ferme jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il était en prison, il est mort en prison, il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens qu'il est mort en prison, rahimahullah. Et il y a de nombreux exemples des ulama de l'islam qui sont restés fermes et sincères jusqu'à ce qu'ils sont morts sur la vérité et en défendant la vérité avant nous, même avant l'islam. Il y a eu des exemples, tout ça dans les nations qui ont précédé la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné même à ses compagnons un exemple une fois en disant que avant nous, c'est-à-dire dans les peuples qui existaient avant la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait parmi les gens qui ont cru en leur prophète des gens pour qui on creusait un trou et on les enterrait dans la terre jusqu'au cou. Et puis, on leur sciait le crâne avec une scie et on leur tranchait la tête en deux. Et ça ne les faisait pas quitter leur religion. Ça ne les faisait pas quitter leur religion. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné ces exemples pour nous faire comprendre à quel point il était important de faire preuve de fermeté dans la vérité et de fermeté dans la religion. هذه أمثلة للمؤمنين الصادقين تحفزهم على الاستقامة والثبات فلا تضرهم كثرة الهالكين ولا قلة المستقيمين الثابتين على الحق والجماعة مع من كان على الحق كائنا من كان ولو كان وحده لو أن الناس كلهم اجتمعوا على الباطل وأنت على الحق فأنت على الحق وأنت الجماعة فلا يغرنكم كثرة الزبد لأنما هم غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البدع والله غثاء غثاء أهل الباطل والله غثاء والناس هم أهل الحق ولو كانوا قلة ولو كانوا في غاية الغربة لشيخ الزي que ça c'est des exemples de la part des gens qui ont été sincères et véridiques et qui ont ces exemples-là, ça nous incite, nous, à rester fermes dans notre pratique de l'islam. Et le cheikh il dit que la quantité des gens qui sont sur le mensonge, ça ne doit pas vous affecter. Ça ne peut pas vous nuire en réalité. Le fait que les gens qui suivent le mensonge et l'égarement sont très nombreux, ça ne peut pas vous nuire. Et le fait que les gens qui suivent la vérité et qui restent fermes sur le droit chemin, ça ne doit pas non plus vous nuire également. Le cheikh dit la jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si on est tout seul. La jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si on est tout seul sur la vérité. Le cheikh dit si tout le monde se réunissait sur le mensonge et que toi tout seul, tu restes sur la vérité, alors dans ce cas-là, c'est toi la jama'a. Dans ce cas-là, c'est toi le groupe, c'est toi la jama'a. Et c'est pas la quantité qui détermine. Donc le cheikh il dit, ne vous laissez pas tromper par la quantité des gens qui sont dans la fausseté ou dans l'égarement ou dans la bid'a. parce que ces gens-là, en réalité, ils sont refaits, ils sont comme de la mousse sur l'eau. Hein? Ils ne tiennent pas, ils n'ont pas de poids, ils n'ont pas de, de force, de valeur. Le cheikh, il dit donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il les a appelés. Il a dit qu'ils sont refaits. Hein? Ils sont comme de la mousse. Et les gens de la, du mensonge, c'est ainsi qu'ils sont en réalité. Et les gens qui sont, les gens de la vérité sont ceux qui suivent la vérité, peu importe s'ils soient un petit nombre, même s'ils sont des étrangers, même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont dans l'extrême de l'étrangeté, comme on dit, le fait d'être dans la rourba, dans le fait d'être étranger, que les gens te considèrent comme étant étrange, ça c'est pas le critère qu'il faut prendre en considération. Le critère qu'on doit prendre en considération pour déterminer le haq, c'est le kitab ou le sunnah, c'est la vérité. Donc le cheikh il dit, Usbutu ya ibadallah. وقد يأتي الدجال بفتنته عنده فتن وشبه عنده أشياء تخلب الألباب والعياذ بالله يقول للأرض انبتي فتنبت ويفعل الأفاعيل مكتوب على وجهه كافر أي كافر فمن أراد الله له الضلال يتبعه من الغثاء ومن أراد الله له الثبات يثبت ويكون أشد الناس عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس على الدجال بنو تميم لشيخ الزي أو serviteur d'Allah soyez ferme parce que peut-être que le Dajjal vient et il amène avec lui toutes sortes de fitanes et toutes sortes d'épreuves et de tentations et des shubuhat. Il peut te faire tourner la tête. Il peut te faire tourner la tête avec les trucs qu'il sort. Wal'iyadu billah, que Allah nous protège de ces fitanes. Il dit à la terre, pousse, fais sortir des choses, il y en a des plantes ou des légumes ou des arbres, des choses. Et la terre commence à faire pousser des choses. Hein? Donc imaginez quelqu'un qui a le pouvoir de faire des choses comme ça, aujourd'hui. La majorité des êtres humains vont le suivre dans l'égarement. Et donc, et le cheikh dit, et sur son front c'est écrit Kafara, les trois lettres qui forment le mot kafir, c'est-à-dire le mécréant. Donc celui pour qui Allah a voulu l'égarement, eh bien, cette personne-là va suivre le Dajjal. Cette personne-là va suivre le Dajjal. Et aujourd'hui vous avez plein de Dajjalines, des gens qui font des sorcelleries, de la magie, toutes sortes de choses diaboliques contraires à l'islam, il y a des gens qui les suivent. Et ils ne sont pas le Dajjal. Ils ne sont pas au degré d'égarement du Dajjal. Et au degré de fitna du Dajjal. Alors imaginez le Dajjal s'il vient. Hein? Donc ces gens-là, ils se laissent égarer par ça. Et donc le cheikh, il dit, celui pour qui Allah, celui pour qui Allah veut l'égarement, il va le suivre. Tandis que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit ferme, il va rester ferme. Et il sera parmi les gens qui seront les plus durs contre le Dajjal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, il a dit les gens qui seront le plus durs contre le Dajjal, c'est les gens de Banu Tamim. Les gens de la tribu de Tamim, ce sont eux qui seront les plus durs contre le Dajjal. وَمَا حَصَلَ لِلشَّبَابِ مِنَ الشُّبُهَاتِ فِي هَذَا الْوَقْتِ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُبَدِّدَهَا الشُّبُهَاتِ الْكَثِيرَةِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَذَفَهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فِي أَبْنَاءِ هَذِهِ الْبِلَادِ كَمْ قذفوا من الشبهات والشهوات والفتن وخدعوا كثيرا من الشباب وخدعوهم وأخذوهم من صغرهم عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا نسأل الله أن يطهر قلوبهم من هذه الشبهات ومن هذه الفتن والشهوات وأن يعيدهم إلى حظيرة السنة ليكونوا جيشا إسلاميا محاربا للدجاجلة وعلى رأسهم الدجال الأكبر فإن هناك دجالين غير الدجال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم فتن في هذا الوقت تكالبت على كثير من الشباب على أيدي أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وهذا نوع من الدجاجلة الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه من الدجال الأكبر فقد خاف صلى الله عليه وسلم على أمته من هؤلاء أكثر من خوفه عليهم الدجال ليضلون ويضلون ويضلون ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على الشباب بالهداية وأن يرزقهم البصيرة في دينهم وأن يرزقهم العقول الواعية والقلوب الناضجة بارك الله فيكم. Le cheikh il dit, qu'est-ce qui est arrivé à notre époque parmi les jeunes? Toutes sortes de shubuhat, toutes sortes de doutes hein, et de yani, d'ambiguïtés qui ont été lancées chez les jeunes, parmi les jeunes, de toutes sortes de yani, de toutes sortes d'individus, de toutes sortes de personnes qui peuvent essayer de lancer ces shubuhat à notre époque. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de détruire ces shubuhat. Qui sont très très nombreuses de la part des gens, des passions qui suivent les innovations pour les enfants de ce pays. Hein, il dit les enfants de ce pays. Combien d'entre eux, on a lancé sur eux des fitan et des shubuhat et des tentations. Et beaucoup d'entre les jeunes se sont laissés tromper. Et ils les ont pris depuis qu'ils étaient tout petits, hein, depuis qu'ils étaient très jeunes. Parce que les jeunes, c'est comme ça la réalité. Ils ont peu d'expérience, ils ont peu de connaissances et de compréhension. Alors les gens de bid'ah et les gens d'égarement, ils visent et ils ciblent, en particulier les jeunes, pour commencer à les égarer. Hein? Et vous les voyez toujours en train de se concentrer dans les endroits où il y a les jeunes, justement pour les défier, pour les égarer, parce qu'ils n'ont pas la connaissance et l'expérience nécessaires. Et le cheikh, il cite une parole hein, qui montre que lorsque le cœur est vide, il n'y a pas de choses dedans, et que tu jettes des choubouhat dedans et des choses de ce genre, eh bien, elles restent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas connu le danger, elles n'ont pas connu les passions et les choses de ce genre, donc ils n'ont pas eu la protection contre ces fitan et ces choses-là. Donc le cheikh, il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme vous pouvez remarquer, le cheikh, à travers ses conférences et à travers les cours qu'il donne à chaque fois, du début jusqu'à la fin, ils ne cessent de faire des du'as pour les gens. Hein? Toujours leur rappeler et leur demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance, demander à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté, demander à Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes de biens pour les musulmans, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Donc, ça c'est des exemples, encore une fois, les cheikhs disent, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier le cœur des jeunes musulmans de toutes ces ambiguïtés, de tous ces doutes, de toutes ces shubuhat, et de toutes ces fitanes et ces shahawat, et de les ramener à qu'est-ce qui est, yani, disons, à les ramener à la sunna, pour qu'ils soient une armée islamique qui combat tous les faux prêcheurs et les menteurs et les dajjalila, les gens qui appellent à la fausseté, à l'égarement et au mensonge, et à la tête de ceux-là, le dajjal le plus grand. Hein? Et également, il y a d'autres dajjalines, comme on a dit tout à l'heure, des gens qui appellent au mensonge et à l'égarement parmi les hommes. Et donc, le cheikh, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai peur pour vous plus de certains parmi ces dajjalines-là, des menteurs, que du dajjal qui va venir à la fin des temps. Hein? Et donc, il y a des fitanes qui vont venir, qui viennent et qui continuent de venir encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes, hein, qui sont testés et éprouvés par ces tentations et par ces shubuhad et par ces fitan et par ces innovations qui arrivent. De la part des gens qui ont des cœurs de diable dans un corps d'homme, vous voyez leur corps, ce sont des corps d'êtres humains, comme des hommes, mais leur cœur c'est des cœurs de diable. Des fois on dit aussi des loups avec une peau de mouton. Là, des fois, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Donc, cette catégorie de dajjalila, qui est le pluriel de dajjal, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour sa umma. Il avait peur pour sa umma à propos de cela, plus que du grand dajjal qui va venir à la fin des temps. Et il a craint pour sa umma de ces gens-là, qui égarent les autres et qui s'égarent eux-mêmes. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner sa faveur aux jeunes et de les guider et de leur donner la compréhension et la connaissance de sa religion et de leur donner la raison et la compréhension et les cœurs qui les aident à réaliser et à comprendre et à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Amin. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça et on va terminer inshallah cette risala demain bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.